chronique BD. Je vais parler en premier d'un auteur, c'est très drôle parce que c'est un auteur, un des premiers auteurs que j'ai étudié en arrivant à l'école d'Angoulême, en école d'art. C'est un auteur qui est très connu, qui est un auteur français qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu. C'est un auteur qui a fait partie du groupe de Loubapo, qui est un groupe inspiré de Loulipo, qui est l'ouvreur de littérature potentielle. Eh bien, il a pas ce groupe, c'est ouvreur de bande dessinée potentielle. Du coup, ça va être énormément de bande dessinée sous contrainte. Il y aura énormément d'expériences formelles qui vont être tentées, par exemple mettre des trous dans la bande dessinée. Et du coup, il y a des cases qui apparaissent à une autre page, etc. Et ainsi de suite. Et du coup, c'est un auteur qui est aussi scénographe pour des expositions, qui a expérimenté beaucoup de façons de raconter une histoire différente et de façon extrêmement expérimentale. Alors la bande dessinée dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une bande dessinée policière. Ça va être une bande dessinée d'enquête, mais une enquête assez particulière parce qu'elle va être extrêmement courte, tellement courte qu'elle va durer 3 secondes. C'est très court. Alors comment est-ce qu'il va réussir à mettre en scène et à raconter une histoire d'enquête en 3 secondes? Eh bien c'est très simple, en regardant l'enquête du point de vue d'un photon. Sauf qu'un photon, il va réfléchir, il va rebondir de surface réfléchissante en surface réfléchissante et va traverser tout un espace où en fait à un moment il va partir du regard, il va arriver dans la pupille d'un personnage pour rebondir, puis traverser une pièce, puis rebondir sur une cuillère pour partir dans l'atmosphère et rebondir sur un objectif de satellite. Et en fait, ça va être cette enquête va nous être racontée de cette façon-là. Je crois qu'elle est sortie dans les années 2000. Et cette enquête va nous raconter une histoire un peu étrange de corruption, de paris sportifs truqués, de matchs de foot truqués, ce genre d'enquête qui va nous être suivie à partir de cette méthode-là. Et voilà. Et c'est une bande dessinée à lire parce que ça montre la façon qu'on peut mettre en scène un récit d'une façon beaucoup plus de façon extrêmement expérimentale. Et d'ailleurs, je recommande toutes les bandes dessinées de Marc-Antoine Mathieu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à la bibliothèque de Remiremont, mais au moins il y a celle-là. Et c'est un bon préambule pour appréhender l'univers de l'artiste, qui est un univers très très particulier, à mi-chemin entre bande dessinée contemporaine, art contemporain aussi, récits policiers très très très très inspirés des récits de Kafka et Borges par exemple, avec ses cités infinies, ce genre de choses. C'est un auteur que je recommande. Voilà. Donc ça, c'était 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu. Les chroniques BD. La seconde bande dessinée dont je voudrais vous parler, ça c'est une bande dessinée qui est extrêmement importante dans l'histoire de la bande dessinée américaine et qu'il faut impérativement lire. Pareil que Little Nemo, la bande dessinée dont j'avais parlé la dernière fois. C'est une bande dessinée qui là est sortie beaucoup plus tardivement, qui est sortie dans les années dans les années 90, je crois, et qui se passe dans les années 70. Alors cette bande dessinée, ça s'appelle Black Hole de Charles Burns. Alors qu'est-ce que ça raconte? Eh bien ça raconte que l'intrigue se passe dans les années 70 dans une dans la banlieue d'une ville qui dans la banlieue pavillonnaire d'une ville qui s'appelle qui doit être Seattle ou quelque chose comme ça. Et on va suivre toute une galerie de personnages, d'adolescents qui sont au lycée, plus ou moins au lycée, et qui font leur vie plus ou moins normale. Sauf qu'il va y avoir un souci, c'est que nous sommes dans les années 70, et il va y avoir une maladie qui s'appelle la crève, il y a différents noms qui s'appellent la crève ou la maladie des adolescents, on ne sait pas trop ce que c'est, et qui va se répandre parmi les adolescents. Sauf que cette maladie, elle est assez particulière, c'est qu'elle fait muter le corps des adolescents. Alors elle fait muter de façon assez chaotique, il y a des personnages qui vont avoir le visage qui va être différent, qui va être difforme, des choses comme ça. Et ça va être ces personnages qui vont essayer de suivre un tout petit peu leur vie, d'essayer de sentir vivant de temps en temps, chacun a son petit mode de vie particulier. Et ça, on va suivre ces personnages dans ce récit qui va être quelque part un tout petit peu la métaphore de l'apparition du sida. Dans le sens où nous sommes dans les années 70, et c'est à l'époque où on commence à percevoir les premières grandes épidémies de VIH qui vont apparaître. Je voudrais pas figer le récit en disant que c'est une métaphore uniquement comme ça. Néanmoins, c'est un récit qui est extrêmement ouvert, qui peut être ouvert à plein d'interprétations parce que c'est extrêmement violent. Je recommande pas ça à des enfants par exemple, mais si vous êtes un un lycéen ou choses comme ça, ça peut être un récit qui vous parlera énormément. C'est un, c'est quelque chose qu'il faut lire. Moi, je l'avais lu une insomnie pendant une nuit d'orage en été. C'était exactement le bon cadre pour lire ce récit. C'est extrêmement vivant, c'est extrêmement beau avec des personnages très intéressants à suivre. Des personnages très intéressants à suivre qui, au final, dont la maladie va plus être une sorte de marginalisation en quelque sorte. Pour différentes raisons, ça peut être perçu comme une maladie, ça peut être perçu comme comme une différence d'orientation sexuelle, plein de choses, et ça va être on va suivre en fait ces personnages qui sont en quête d'un bonheur en quelque sorte d'un bonheur plus grand que ce que l'avenir leur propose en fait en quelque sorte. Ça va être toute cette histoire de leur survie en fait, de leur marginalisation progressive, et c'est un récit très étrange, très violent, très beau, très sombre, très poétique aussi. C'est organique même, je dirais. Du coup, voilà, c'est une bande dessinée que je recommande et qu'il est extrêmement important de lire. C'est un très beau récit. Les chroniques BD. Je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Kobane Calling, d'un auteur italien surnommé Zero Calcare. C'est une BD qui est plutôt documentaire. Donc je vous conseille d'avoir plusieurs heures devant vous pour lire cette BD bien au calme, parce que c'est une BD qui est assez dense, mais qui vaut vraiment le coup. Donc nous sommes en 2011, pendant la guerre civile, en Syrie, où une partie des Kurdes ont proclamé l'autonomie sur une bande de terre qui est divisée en trois cantons. Donc cette terre s'appelle le Rojava, et elle est détenue par une confédération fondée sur la cohabitation donc ethnique et religieuse, la démocratie participative, l'anticipation des femmes, la redistribution des richesses et l'écologie. Donc, un monde parfait, idéal. Et évidemment, ça ne plaît pas à Daesh, qui va piller et envahir le Rojava, sauf Kobané, qui est la ville des indestructibles, qui résiste envers et contre tout. Donc, on va suivre l'auteur, donc Zero Calcare, qui va quitter l'Italie et s'intéresser à cette petite région avec une mission humanitaire. Il va aller au plus près des gens, en pleine guerre. Voilà, c'est très émouvant, c'est très bien documenté. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu en lisant cette BD, que je vous recommande fortement. C'est une BD petit format, un format moyen, qui est assez grosse, mais qui vaut le coup. Donc je vous redonne les références. La BD s'appelle Kobane Calling, c'est un one-shot écrit par l'italien Zero Calcare. Et cette BD est disponible à la médiathèque de Remiremont. Les chroniques BD, à retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur Radio Guimauzo. Le réseau des médiathèques de la Porte des Vosges méridionales, c'est plusieurs sites. Remiremont, Saint-Étienne-les-Remiremont, Saint-Nabor, Vecoux, Éloy et Dommartin-les-Remiremont. Vous pouvez réserver à n'importe quelle médiathèque. La BD arrivera là où vous avez réservé. Et bien sûr, vous pouvez déposer les BD dans n'importe quel site.